pouce, le chouche, nos lunettes. Un vieux mafié qui nous a bercé, hein. Un vieux mafié qui nous a bercé. Un vieux mafié qui nous a bercé. Un vieux mafié qui nous a bercé. Hey. Avis ma vieille, tu nous as bercé. Qu'il soleil vent, qu'il pleuve, hébergé sous ta paume où la folie prolifère. Bah oui, la vie, vu d'où t'as cherché. Paris, c'est mort, citerne, délaissé coup par coup. Faut s'affoler, faut s'y faire. Avis ma vieille, tu nous as bercé. Qu'il soleil vent, qu'il pleuve, hébergé sous ta paume où la folie prolifère. Bah oui, la vie, vu d'où t'as cherché. Paris, c'est mort, citerne, délaissé coup par coup. Faut s'affoler, faut s'y faire. J'irai rejeter ma rage ailleurs s'il le faut. Ramassis, défonce, ça va la se perdre jusqu'à s'enraciner. Je propose aucune solution pour l'heure. Les temps qui courent en fulaire, c'est pas la collision qu'on vise, on cotise pour éclairer le tunnel. Par ici, c'est pas par là, raconte les salades à d'autres. J'espérais trouver le canal qui mène de ma barque à la côte. J'm'emballe qu'à la colle, calomnique à la côte. Tout par coup, j'm'accroche à la corde. Ce que mes loupards trouvent alarmant m'affole. Cette table déracinée trop, te larguer face au salut. Les feuilles m'en tombent, j'élabore des plans d'actes sur des calculs foireux. C'est qu'on s'est fait, mais bon, j'essaie, tu sais, l'effort ça coûte. Réussir, c'est pas se rembourser. Chaque erreur de parcours, j'me retourne contre moi-même et j'me souhaite bonne chance. Rentre dedans ce soir, diable fait du tango. Robe de chambre, qu'est-ce qu'on se marque, crier fort. Il est temps qu'on se tire ses comptables. C'est mort, là je m'accroche à ce que l'on tisse, ce que l'on garde. Avis ma vieille, tu nous as bercé. Qu'il soleil vent, qu'il pleuve, hébergé sous ta paume où la folie prolifère. Bah oui, la vie, vu d'où t'as cherché. Paris, c'est mort, citerne, délaissé coup par coup. Faut s'affoler, faut s'y faire. Avis ma vieille, tu nous as bercé. Qu'il soleil vent, qu'il pleuve, hébergé sous ta paume où la folie prolifère. Bah oui, la vie, vu d'où t'as cherché. Paris, c'est mort, citerne, délaissé coup par coup. Faut s'affoler, faut s'y faire. Incapable, j'harcèle sous ma carapace, je me carapate. Un cocktail tropical, mais très peu de maracasse. On désinfecte rhum, le profond, le bord du Rhône. Ma bande d'ivrogne siphonne, grandit entre la faune et la flore. Ma sainte l'a dit, quoi qu'il arrive dans cette musique, c'est les copains d'abord. On met le voisin d'accord quand on se fait mal changer le décor. À tort quand on mélange ses corps, le vin déborde. Mais par principe, on s'en tamponne, on s'entend plus. Briser la glace comme glace, ta fure au fond de la classe. Crème et la gomme, on te met la dose. Un de ses faces, mais j'ai que la rime en méthadone. Je connais le désordre. Les gars sortent, c'est comme au bord de la méga sort. Qu'on me fait en sorte qu'on soit fiers les uns des autres. C'est dévorer la fille, car elle vaut bien son pesant d'or. J'écris ces calculs pendant que Nina s'endort. Mais comment rester fort, ma place, du mal à la trouver. Je m'interroge dans mon logis, le matelas comme cendrier. Que paie bougie pour ce lobby, hey. Avis ma vieille, tu nous as bercé. Qu'il soleil vent, qu'il pleuve, hébergé sous ta paume où la folie prolifère. Bah oui, la vie, vu d'où t'as cherché. Paris, c'est mante, citerne, délaissé coup par coup. Faut s'affoler, faut s'y faire. Avis ma vieille, tu nous as bercé. Qu'il soleil vent, qu'il pleuve, hébergé sous ta paume où la folie prolifère. Bah oui, la vie, vu d'où t'as cherché. Paris, c'est mante, citerne, délaissé coup par coup. Faut s'affoler, faut s'y faire. Avis ma vieille, tu nous as bercé.